Amis, on est assuré par Alphonse Koubguimana et Dorine Ouimana. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 11 juin 2019. D'abord l'essentiel. C'est ce mardi qu'a débuté la passation du concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. Pas d'irrégularité alarmante à signaler selon les responsables des centres de passation visités par nos reporters, sauf quelques absences, vous en aurez des détails tout à l'heure. Et personne n'est né au-dessus de la loi, peu importe son appartenance politique. Voilà l'annonce de la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, qui s'exprime après que des cas d'intolérance politique aient été rapportés dans différentes contrées du pays. Vous aurez son appel à tous les juges burundais tout à l'heure. Et la ville de Ngozi, nous sommes au nom du pays, fait face au manque d'espace de transit et de déchets dans différents quartiers. Et par conséquent, les déchets sont éparpillés n'importe où, ce qui regrette le chargé d'hygiène et assainissement dans cette province. Et notre reporter du jour ne nous conduit pas au Burundi, comme vous en aviez l'habitude, mais plutôt au Chaux-de-Fonds, c'est une ville suisse. Et va nous parler de métier de sapeur-pompier pour les femmes. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, les juges devraient lire la loi lorsqu'il y a des gens qui se rendent coupables d'infractions relatives à l'intolérance politique. L'appel est de la ministre de la Justice après que des cas d'intolérance politique se soient signalés ici et là à travers le pays. Aimée Laurentine Kanyana rappelle que nul n'est au-dessus de la loi, quelle que soit son appartenance politique. Et suivez-la, elle est au micro d'Aubin Nyonguru. Ce que je dis toujours, c'est que quand il y a une infraction, le magistrat ne doit qu'appliquer la loi. C'est-à-dire qu'il doit vérifier si les trois éléments d'une infraction sont réunis. Il s'agit de l'élément légal, c'est-à-dire un texte législatif ou réglementaire qui définit le fait répréhensible et la sanction qui doit être appliquée. Il y a aussi l'élément matériel, c'est-à-dire l'acte ou l'omission à sanctionner. Il y a aussi l'élément moral ou intentionnel, c'est-à-dire la volonté, la conscience de réaliser l'élément matériel de l'infraction. Si les trois éléments sont réunis, le magistrat instructeur peut considérer qu'il y a un dossier. Il va s'adresser au juge qui va confirmer ou infirmer les faits, la loi ou l'intention de celui qui est poursuivi. Dans tout ce sur quoi le magistrat doit se baser, il n'est mentionné nulle part l'appartenance à un parti politique. La responsabilité pénale est individuelle. Ce qui se passe alors dans le pays, tant que les êtres humains existent sur Terre, on doit toujours s'attendre à des cas d'incompréhension entre des gens. C'est pourquoi même dès l'origine, il y a toujours eu l'existence des juges, l'existence des institutions qui sont chargées de régler les conflits. Lorsqu'il y a agression ou intolérance politique entre membres de plusieurs partis politiques, selon certains, les Imbonerakure sont intouchables et ce ne sont que ceux de l'opposition qui sont punis. Cette conception des choses n'est pas du tout objective. Un membre du parti CNDD-FDD, c'est un être humain qui peut commettre une infraction, mais la responsabilité est toujours individuelle. Un membre du CNL, un membre de l'UPRONA peut commettre une infraction. Ce n'est pas l'UPRONA qu'on doit pointer du doigt directement, c'est la responsabilité de la personne physique qui a commis l'infraction. Donc pour vous, qu'il soit membre du CNL, qu'il soit de l'UPRONA, qu'il soit du CNDD-FDD, que le juge lise la loi. Et le juge doit seulement lire la loi. Mais Laurentine Kanyana et les ministres de la Justice répondaient aux questions de notre confrère Robin Nyonguru en page d'éducation. Les étudiants de la faculté de génie civil à l'université Ntare-Rugamba regrettent qu'ils ont été obligés de faire 4 ans d'études au lieu de 3 ans. Certains de ces étudiants disent être inquiets de cette décision qui n'a pas encore mis au clair le type de diplôme qui sera délivré. Ils demandent au ministère en charge de l'enseignement supérieur de revoir cette mesure. Suivez l'un de ces étudiants. Le rectorat a pris une décision d'étudier les 4 années alors que nous savons que la loi ministérielle expose 3 ans pour le baccalauréat. L'autre est que ici, à cette université, il y a les étudiants qui ont réussi 50% à l'examen d'État et d'autres qui n'ont pas réussi 50% à l'examen d'État alors que nous savons que pour fréquenter la faculté, il faut que tu aies 50% à l'excédent. Même si nous sommes en train d'étudier, nous ne savons pas quel diplôme on va avoir. On a expliqué en disant que ceux qui ont 50% vont avoir un diplôme de baccalauréat et ceux qui n'ont pas réussi 50% en examen d'État vont avoir un diplôme A1. Même si il a expliqué ça, nous avons manqué des pièces justificatives de cette loi. Mais cette question a été déjà transmise au ministère, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore reçu la réponse. On sollicite au ministère de prendre en charge cette question pour nous donner une réponse. Ce qu'on demande aussi est que cette décision qui sera prise par le ministère sera pour tous les étudiants et pour toutes les promotions, même ceux qui vont venir. À ce sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique qu'aucune année n'a été ajoutée à la période de formation dans le système baccalauréat. Selon Séverin Touagilaïdze, conseiller juridique au sein de la Commission nationale de l'Enseignement supérieur, il y a le nombre de crédits à totaliser pour avoir un diplôme. Il demande aux recteurs des universités d'afficher des conditions requises pour qu'un étudiant soit admis dans tel ou tel autre département. Suivez-le au micro de Mireille Naomini Tegeka. La loi numéro 1/20 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi est sans équivoque. En son article 7, cette loi stipule que l'enseignement supérieur public et privé est accessible sans discrimination à tout postulant de nationalité burundaise, détenteur des diplômes des humanités générales pédagogiques ou techniques ayant passé l'examen d'État, le 2 donna lieu à un diplôme d'État. C'est-à-dire que pour avoir accès au programme de baccalauréat, il faut d'abord avoir réussi à l'examen d'État. Au niveau l'article 5 stipule que la durée de formation dans l'enseignement post-secondaire professionnel et de 2 ans dans le cycle et de 3 ans dans le cycle long. C'est-à-dire que lorsque on veut suivre le programme post-secondaire professionnel, il y a des possibilités. Soit on peut faire 2 ans qui seront sanctionnés par le diplôme d'études supérieures professionnelles selon l'article 9. Soit on peut faire 3 ans. L'établissement ne peut pas mélanger ou fusionner les étudiants qui ont réussi et les étudiants qui n'ont pas réussi à l'examen d'État. C'est une question de conformité à la loi et sinon la loi est claire là-dessus. Après une courte pause, on va faire un petit saut en province Ngodi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganilo, le service de l'urbanisme Ngodi n'a pas réservé des espaces de transit et des déchets ménagers dans différents quartiers en attendant leur acheminement vers les décharges publiques finales. Comme conséquence, des déchets ménagers sont jetés un peu partout dans les quartiers. Regret du chargé d'hygiène et d'assainissement Ngodi, Désiré Ndayisaba, parle néanmoins de solutions intermédiaires car des poubelles publiques seront bientôt placées dans les quartiers Apollinaire. Mouzaga, la correspondance. Cette ville de Ngozi ne cesse de s'agrandir d'année en année. Selon le chargé d'hygiène et assainissement en province Ngozi, le service de l'urbanisme devrait prévoir de l'espace quartier par quartier destiné à contenir des déchets ménagers en espace de transit avant l'acheminement de ces déchets vers la décharge finale. Pourtant, aucun quartier du chef-lieu de la province Ngozi n'en dispose, déplore Désiré Ndayisaba. La population de cette ville charge les déchets ménagers dans de vieux sacs pour les jeter n'importe où, clandestinement le soir ou dans la petite matine. Une solution intermédiaire a été trouvée selon ce responsable d'hygiène et assainissement. Une décharge moderne qui traitera ces déchets a été construite à la colline Gatonde, à la périphérie de la ville d'Ongozi, par le projet LV Watson 2 de protection du lac Victory. Son dernier compte déposer des poubelles de grand volume ayant la forme de conteneurs dans tous les quartiers et tout près des marches. Ces décharges intermédiaires abriteront ces déchets avant leur transport vers Viegua où se trouve la décharge finale, dit-il. Les associations en charge de la collecte de ces déchets ménagers vers ces poubelles installées dans les quartiers signeront des contrats avec des ménages charge pour le transport de ces ordures moyennant une certaine somme, indique Désiré Ndaïssab. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apone Muzagara. En page média à présent, la femme journaliste doit œuvrer pour la prise en compte du genre dans les productions médiatiques. Point de vue de la présidente de l'association des femmes juristes, AFJO. Lors de l'atelier sur le rôle de la femme journaliste dans la promotion et la participation du leadership féminin, Diane Ndonsé indique que la femme journaliste peut jouer un rôle important dans la promotion de la femme et dans les instances de prise de décision. Suivez Diane Ndonsé, présidente de l'association des femmes journalistes et non juristes du Burundi. Les principales barrières sont notamment liées surtout à la culture burundaise qui les a discriminées du fait même qu'ils ne sont pas déjà représentés dans les postes de prise de décision. Et cela, nous espérons que ce défi va être relevé par ces femmes journalistes parce que moi j'espère que rien ne peut être fait efficacement dans le domaine de la communication que par une bonne communication faite par nous-mêmes, les femmes journalistes professionnelles des médias. Nous qui sommes vos confrères en tant que journalistes, nous vous invitons dans des émissions pour donner l'espace dans des médias, mais deux fois on fait face à un refus catégorique, sinon à un prétexte de manque de temps. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet pour que votre voix soit entendue par la majorité des Burundais et que le leadership du journaliste féminin soit mis en exergue? Avec cet atelier, nous espérons que ce défi va être relevé parce que nos invités sont les femmes journalistes dans cet atelier et elles vont être sensibilisées pour porter loin les défis que rencontrent les femmes, les obstacles qui empêchent les femmes à être représentées. À travers la production des émissions, à travers leurs activités quotidiennes, nous espérons qu'ils vont être sensibilisés eux-mêmes et sensibiliser les autres femmes. Diane Ndonsé, présidente de la FJO, répondait aux questions de notre confrère Charles Makoto. Et à ce sujet, le ministre de la Communication et des Médias fait savoir que l'équité genre fait partie des priorités. Dans le domaine de la communication, Frédéric Nahimana reconnaît qu'il y a encore du pain sur la planche, bien qu'un pas important a été marqué en vue de promouvoir la femme burundaise. Selon lui, le secteur médiatique constitue le reflet de la société, raison pour laquelle l'équité genre doit être une priorité. Le document de la politique de communication des médias reconnaît que les médias sont incontestablement le reflet de la société. De ce fait, ils doivent faire ressortir davantage le fait que l'égalité des genres est un droit humain et fondamental. Cet atelier est donc une bonne occasion qui vous est offerte, vous, femmes et filles journalistes, pour analyser ensemble les perceptions des acteurs des médias burundais et ceux qui ont manifesté l'intérêt à embrasser leur carrière, mais qui s'en sont éloignés par manque de motivation suite à des obstacles de divers ordres. C'est pourquoi il vous est appelé de capitaliser le minimum de temps qui est réservé à ces activités, au terme desquelles nous souhaitons voir sortir des recommandations et des engagements sur, premièrement, renforcer la sensibilité aux genres dans les médias. Deuxièmement, inciter les responsables des médias à produire plus d'émissions axées sur la promotion de l'aspect genre dans les médias. Trois, mener et multiplier les actions de plaidoyer en faveur de l'élévation du niveau de la participation inclusive des femmes et des filles dans les médias. Réduire de façon significative les obstacles qui étouffent la participation inclusive de la femme et des filles dans les médias. Nous reconnaissons que les défis ne manquent pas en cette matière, mais avec la volonté et la détermination de nous tous, toutes ces barrières seront surmontées. Frédéric Nahimana, il est ministre de la Communication et des Médias. Parlons sécurité à présent. Deux corps ont été retrouvés ce lundi dans la rivière Lumhongwe, dans la commune Kinyinya de la province de Luigi. Des sources policières parlent aussi d'un jeune homme de 16 ans qui a été arrêté à Giteranyi de la province de Muyinga. Selon Pianghulu, qui est porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ce jeune est sous interrogatoire à Muyinga. Les détails avec Moïse Misako. Selon des sources policières, c'était vers 9h de ce lundi que ces deux corps ont été trouvés dans cette rivière. Ces corps n'ont pas été identifiés. D'après les mêmes sources, les victimes seraient emportées par la rivière Omongwe. Après le constat du médecin et les administratifs, l'administration a pris la décision d'inhumation sur place. Les informations en provenance du ministère de la Sécurité publique, dans la zone Mugano de la commune Gitiranya en province Muyinga, la police a arrêté un jeune homme de 16 ans, du nom de Shabani Abonimana, originaire de la province Kirundo. Après son identification sommaire, indique le porte-parole de son ministère, Shabani serait venu du camp de réfugiés de Mutenderi en Tanzanie où il subissait un entraînement militaire. Pour le moment, le jeune homme est à la police judiciaire à Muyinga pour des enquêtes. À Bujumbura, selon Pierre Mourikier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, vers 22h au niveau du lycée Notre-Dame de Rohero, la police en patrouille a croisé une bande de criminels qui avait failli enlever la vie à un policier en patrouille au même endroit la nuit du samedi passé en le poignardant au niveau de son bras gauche. Un de ces criminels non identifié a été touché par une balle et est mort. Merci Moïse Amissago. Revenons en éducation et parlons concours national. Début depuis ce mardi de la passation du concours national donnant accès aux postes fondamentaux dans tout le pays. Sur différents centres de passation visités par la radio Isanganiro, il s'est observé quelques absences. C'est au moment où, au lycée d'excellence de Ngangara, la responsable de ce centre de passation indique n'avoir pas enregistré aucune irrégularité. Reportage de Marie-Claire Cadeneta. Nous sommes au lycée d'excellence Tongagara. Il est parmi les centres de passation du concours national édition 2019. Sur 296 élèves attendus à ce lycée, un seul s'est absenté. Ce centre de passation a regroupé quatre écoles parmi lesquelles figurent ce lycée d'excellence Tongagara, l'Ecofo Ngagara quartier 4, école de l'amitié et l'école La Fontaine. Ndaïza Yolande, présidente de ce centre de passation du lycée d'excellence Tongagara, nous a fait savoir que tout était normal puisque l'examen a commencé à temps, sauf un petit problème qui s'est observé. Tout était en ordre, les élèves étaient présents, sauf en cas d'en absence qu'on a remarqué, et les surveillants également étaient là. Je ne parlerai pas d'irrégularité, c'est un petit problème qui s'est présenté. Un élève qui a travaillé sur la copie rose, on a résolu ce problème. La radio Isanganiro a également passé au lycée municipal de Musaga. Lorsque nous y sommes arrivés, les élèves commençaient le deuxième rang de cette épreuve. La directrice de cette école, Frédéric Nandikié, nous a fait savoir que sur 435 élèves attendus à ce lycée, 6 élèves ne se sont pas présentés pour des raisons inconnues. Un autre cas qui s'est observé à ce lycée, c'est un élève qui n'était pas inscrit mais qui s'est présenté. Celui-ci avait présenté une pièce justificative et par après, on lui a donné un numéro comme les autres. Ce centre de passation regroupait 4 écoles, dont ce lycée municipal de Musaga, les Chérubins, New School et Nouvelle Référence. Après cette épreuve, on s'est entretenu avec un de ses élèves. Oui, c'était vraiment bien et il n'y avait pas aucun enfant attrapé en train de tricher. Et c'était absolument facile. Je peux dire qu'il faut travailler bien, qu'il faut étudier et qu'il faut être espérant parce que je sais, c'est absolument difficile, je peux dire, mais il faut étudier. Ce concours national édition 2019 qui a débuté ce mardi prendra fin ce jeudi. Plus de 90 000 élèves sont attendus pour passer cette épreuve, comme l'a annoncé le ministère de l'Éducation. Merci Marie-Claire Cadeneza. Les femmes sont capables d'exercer des métiers qui étaient jadis réservés aux hommes, comme l'indiquent certaines filles sapeurs-pompières et ambulancières au service d'incendie et de secours au Neuchâtel. C'est la chaude de fond en Suisse et les font remarquer que parfois elles sont obligées de soulever du matériel lourd, ce qui constitue un défi pour elles. Thierry Koenig, commandant de ce service, affirme cependant que ces filles parviennent à accomplir convenablement leur mission. On va revenir sur ce reportage dans nos éditions ultérieures. Place à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La chirurgie est utilisée dans différents contextes pour traiter le cancer du col de l'utérus. Comme l'indique le gynécologue Gabriel Nahayo. Docteur Nahayo explique que cette maladie est dangereuse. Une fois découverte tardivement, ce médecin conseille aux femmes de plus de 30 ans qui ont déjà fait des rapports sexuels de subir régulièrement un test de dépistage. Chronique santé signé Ornella Mocho. Selon le gynécologue Gabriel Nahayo, un cancer du col de l'utérus causé par le HPV peut être suspecté lorsqu'une anomalie est décédée lors d'un examen gynécologique. Dr Gabriel Nahayo explique que dans ce cas, des examens sont faits pour déterminer l'étendue de la maladie. Lorsqu'on a identifié les personnes qui doivent bénéficier d'autres examens, on prélève localement un petit morceau de la lésion et on va analyser au microscope. On va confirmer la lésion de cancer et même déterminer le type de cancer. Au-delà de ça, les examens qui sont conduits sont des examens pour voir jusqu'où est allé le cancer. On évalue l'extension du cancer. Ce sont des examens urologiques. On va regarder dans la vessie, on va faire des radios de la vessie, on va faire des radios du type digestif, on va regarder à l'intérieur du tube digestif, on va faire des radios de la colonne lombaire, on va faire une échographie au niveau du foie. Selon toujours ce spécialiste, le type de traitement dépend du stade du cancer au moment du diagnostic. Il ajoute que le choix de traitement dépend entre autres de la localisation de la tumeur et de sa taille. Le cancer du col peut être traité, il est d'autant mieux traité qu'il est découvert précocement. Je vous ai dit que les lésions précancéreuses qui sont découvertes au dépistage avant même l'apparition du cancer peuvent être traitées au courant même de la même séance de dépistage. C'est ça qui est conseillé. Il y a des techniques qui permettent de détruire ces lésions-là et donc je dirais que c'est même une méthode de prévention. Les autres méthodes de traitement, c'est la chirurgie. Une chirurgie qui est très efficace lorsqu'elle est menée précocement. Ça veut dire qu'on découvre le cancer avant l'apparition des symptômes. Ça veut dire que le cancer sera localisé strictement au col et la chirurgie va être efficace à plus de 85%. Plus les cellules cancéreuses se propagent, plus la situation s'aggrave. Dr Nahayo l'explique. Lorsque le cancer s'est étendu à des structures voisines ou à des organes qui sont plus lointains, il faut malheureusement faire appel à d'autres techniques de traitement qui peuvent être la chimiothérapie, qui peuvent être la radiothérapie. Et ces méthodes-là ne sont pas disponibles au Burundi. Vous imaginez bien que si on fait le diagnostic de cancer du col chez une femme qui a encore besoin de son utérus, qui doit faire des enfants, et même si la femme est enceinte, ça devient un problème parce que on doit gérer la grossesse pour la faire avancer alors que le cancer est en train d'avancer lui aussi. Par contre, lorsque le cancer atteint les organes du voisinage, si la vessie est atteinte par exemple, ça devient une vie très difficile avec des fistules, un écoulement continu d'urine. On a besoin de traitements qui sont très lourds où il faut dériver les urines dans les intestins. Le mode de prévention sont les examens pour détecter les lésions précancéreuses recommandés tous les 3 ans aux femmes âgées de 30 ans et plus et où le vaccin contre le HPV chez les petites filles. La prévention du cancer du col existe parfaitement. C'est une prévention, c'est la vaccination contre le virus HPV. Cette vaccination est faite pour les filles, les petites filles de 9 à 13 ans. Il ne faudra pas que les parents cachent les enfants en pensant que c'est un vaccin pour faire ceci ou cela. Le cancer du col de l'utérus peut guérir s'il est dépisté précocement, indique le gynécologue Gabriel Nahayo. Merci, on en a mucho et c'est pas en cette chronique santé qu'elle met en point final à cette édition. Vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Merci également à Epitas Ndaishimi et Dorine Ouimana pour la mise en onde, mais également Francine Ndihokubgayo pour la réalisation et Dini Beni Bigrajete à sa présentation. Pardon, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.